Bienvenue sur le 895 si vous nous rejoignez entre midi et 13h, le rendez-vous info de Dio. Rendez-vous pour ce jour et ce jeudi avec l'émission mensuelle consacrée à l'histoire et la mémoire ouvrière stéphanoise. C'est l'émission du GREMOS, le groupe de recherche et d'études précisément sur la mémoire et le monde ouvrier stéphanois qui vous propose son émission mensuelle le troisième jeudi de chaque mois, petite entorse à la règle. Rendez-vous aujourd'hui pour ce dernier jeudi du mois avec le GREMOS. C'est une émission spéciale à retrouver d'ici un instant. C'est jusqu'à 13h. Bonne émission, bonne écoute. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter l'émission de Radio de GREMOS, pardon, sur Radio Dio. Exceptionnellement, comme l'a dit Lionel, c'est le quatrième jeudi du mois et non pas le troisième, ce mois d'avril 2019. Et nous sommes aujourd'hui avec Michael Duarte qui a soutenu il y a un peu moins de deux ans une thèse qui s'intitule « Des corps en enfer, une histoire des corps dans la région stéphanoise de la fin du XVIIIe siècle à 1949 ». Et nous sommes avec lui pour nous entretenir. Bonjour Michael. Bonjour. Voilà Michael, donc cette thèse c'est quand même comme toute thèse une aventure personnelle d'abord, une aventure professionnelle aussi. Alors j'aimerais que tu te présentes, donc je sais que tu es professeur d'histoire en collège, mais tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Oui, donc professeur d'histoire en collège, un parcours assez normal, mais à côté de ça, j'enseigne aussi à la fac, je suis chargé de cours, donc ça fait un certain temps. Ça explique aussi cette volonté de recherche que j'ai eue, hein, donc... J'ai été très vite confronté. Alors j'étais à l'Arrêt Camari, hein, j'ai commencé mes armes à l'Arrêt Camari et au collège de l'Arrêt Camari et avec un environnement assez extraordinaire, on va dire. Et très très rapidement, j'étais confronté à cette volonté de donner du concret aux élèves. Alors bon, il y avait l'histoire industrielle, donc j'ai fait beaucoup de sorties, beaucoup de choses sur le terrain, et on a beaucoup travaillé sur l'histoire industrielle locale. J'ai travaillé aussi sur la fusillade du Brûlé, forcément, sur l'eau aussi. J'avais fait tout un travail sur l'eau à l'Arrêt Camari. Et donc ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire locale que je connaissais pas plus que ça, puisque je suis pas du coin en fait. Et donc a donné cette espèce de matérialité qui peut expliquer aussi le sujet de ma thèse. Voilà. Alors tu es quand même père de famille. C'est pas une mince affaire que de faire une thèse en travaillant à temps plein et en étant père de famille. Exactement. J'ai mis 7 ans à faire cette thèse avec une vie que je ne vais pas développer ici, mais extrêmement mouvementée. Normalement, c'est 5 ans. Hein, donc, il faut savoir que c'est 5 ans actuellement. Donc, il faut demander des dérogations qui sont acceptées, mais pas tout le temps, hein, au bout d'un moment. Tout ça pour vous dire que pour dire quand même qu'il me manque, il manquait bien un an, je pense, quand j'ai soutenu la thèse, donc qui me ressemblait un peu dans tous les sens, un peu avec des idées toutes les ondes, mais voilà. Donc, depuis 2 ans, là, je suis en train de travailler sur la version éditable, entre guillemets. Hein, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais je voulais dire simplement que réaliser une thèse dans ces conditions, c'est aussi sans doute peut-être plus que des étudiants qui ont des bourses et qui ont pas mal d'aide, avoir une relation avec le concret. Peut-être j'aimerais que maintenant tu nous fasses une présentation de ton travail. Alors d'abord, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans le titre, « Des corps en enfer ». Donc, la région stéphanoise, c'est donc un enfer. Sur certains points, oui. Alors en fait, je suis parti, j'ai été très influencé par cette vision des textes de Jules Janin. Hein. Les textes de Jules Janin décrivent, alors évidemment, hein, Jules Janin, critique, romancier romantique, donc faisait donnait une vision un peu romantique, hein, justement, de ce Saint-Étienne, pittoresque, hein, mais pittoresque dans le sens 19e, hein, c'est assez particulier. Qui mêle le sublime, hein. Et donc j'ai été très influencé par ça et puis par les photos de Thiollier, bien sûr, hein. Et ces photos de Thiollier montrent aussi de Saint-Étienne une vision infernale. Et après tout, le corps, c'est aussi une vision esthétique, hein, réfléchir sur l'esthétique des corps. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur ce titre d'enfer. Et comme tu as lu la thèse, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est le côté littéraire. J'ai vraiment eu un plaisir d'écrire que je ne soupçonnais pas avant, hein, qui m'est venu comme ça. Donc il y avait aussi ce côté littéraire que je voulais mettre en avant. Je suis toujours très très déçu par la sécheresse du style de nos historiens actuels. Et comparé avec des gens comme Marc Bloch ou bon, alors je dis pas que je suis pas chez Marc Bloch, mais j'avais cet intérêt pour l'esthétique même du style. Enfer aussi, parce que si on relit la thèse de d'Yves Lequin sur les ouvriers de la région lyonnaise, il spécifie bien quand même 20% dans les années 1860-1870, 20% de mortalité chez les mineurs, par exemple. C'est quand même. Alors évidemment, on peut me dire cette vision noire, elle a été battue en brèche. On va vers un mieux-être, etc. Alors, je pense que si on aborde les corps, on voit réellement cette vision noire. Par contre, voilà, c'est ça aussi. Oui. Et donc, sous-jacent à cette premier parcours, il y a l'idée que c'est quand même une région ouvrière. Hein, c'est ça l'idée. Et donc ton découpage, tu le situes de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire du démarrage de de l'industrialisation jusqu'en 1949. Oui. Alors pourquoi 49? Bon, ça serait maintenant peut-être que j'aurais une optique un peu différente. Bon, 49 parce que déjà, je voulais aborder certains documents assez tardifs sur... Parce que une thèse, on dépend aussi des documents. On le dit jamais assez, mais ça détermine aussi une chronologie. Et 1949, donc 1948, c'est les fameuses grèves que tu connais bien, et avec ces fameuses photos. Hein, donc il y a beaucoup de représentations du corps, des photos qui ont été produites à cette époque-là et des films même. Et 1949, ça correspond à la loi sur les ouvrages licencieux, faite dans la foulée du CNR et des lois d'après-guerre. Et ça faisait une espèce de clôture d'une logique d'économie morale que j'essayais de mettre, de montrer dans ma thèse. Donc, c'est-à-dire amener de la morale en politique et en économie, dans l'économie, dans le fonctionnement. C'est une théorie qui vient de Thompson, hein. Et actualité oblige, on est très très confronté d'ailleurs dans les discours actuels, hein. On va parler de la crise des gilets jaunes puisqu'on en parle de partout, mais c'est pour moi assez flagrant qu'il y a toute cette demande d'économie morale. Peut-être que du coup les gens comprendraient un peu mieux, hein, en donnant cet exemple-là. Et à partir de 1949, c'est la prise en main par l'État de toute cette économie morale, hein, avec l'État-providence, hein, mais aussi avec une moralité, hein, qui se met en place avec cette loi sur les ouvrages licencieux. Et sur Saint-Étienne, il y a quand même une histoire assez particulière de la censure, à relativiser, hein, dans les faits, mais on a quand même, bon, ça c'est Antoine Bertrand qui a travaillé dessus, hein, le pilonnage d'une bonne partie de la bibliothèque. Bibliothèque populaire. De la bibliothèque populaire, d'ouvrages licencieux, des fois vraiment licencieux d'ailleurs, qui ont été pilonnés, ce qui est un cas assez unique en France. Donc on a vraiment toutes ces ligues de vertu qui se mettent en place de façon assez importante. Alors, on peut maintenant peut-être te poser la question sur qu'est-ce qui personnellement t'a conduit à cette recherche. Comment tu es venu à ce sujet qui est vaste, on le reparcourra tout à l'heure, mais qui traite à la fois un petit peu d'histoire religieuse, beaucoup d'histoire industrielle, d'histoire, comme on appelait autrefois, des mentalités, d'anthropologie, enfin bon. Mais qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement? Alors, les premières pages de ta thèse sont tout à fait remarquables. Enfin, l'ensemble, moi, j'ai beaucoup aimé, mais tout ce que tu dis, notamment sur ta grand-mère, est-ce que tu peux un peu développer là? Et justement, ça tombe bien, parce que chaque fois que je donne le sujet de ma thèse, alors ça intrigue les gens. J'ai l'impression des fois de me retrouver devant MC. Alors c'est vrai que c'est vrai, et je pense pas qu'on pose cette question à tout le monde par rapport à leur thèse, à leur sujet de thèse. Bon, les gens vont rester bouche bée, se dire oui, je n'ai pas compris vraiment. Alors que là, déjà, ça interpelle tout le monde, hein, c'est sûr. Et puis faire, alors pourtant l'histoire des corps, ça fait un moment qu'elle est traitée. Hein. Il y a eu cette somme par Alain Corbin et Courtine. C'est vrai. Voilà. Et c'est, ben oui, c'est la lecture déjà de l'histoire des corps en plusieurs tomes de Corbin, Courtine et Vigarello qui m'a influencé. C'est aussi, après, il y a certainement des choses plus profondes que j'aborderai pas ici, hein, mais j'ai quand même posé en effet dans l'introduction de ma thèse. Un petit moment d'égo histoire quand même, l'air de dire bon, quand on parle du corps, c'est pas anodin, hein. Après, je pense que j'ai pas, je sais pas tout en fait, hein. Certainement, mais bon, c'est à travers mes lectures, hein, j'ai pas mal lu Foucault aussi, c'est un des thèmes importants. J'adore l'approche culturelle, hein, et anthropologique de l'histoire, quelque chose qui m'intéresse beaucoup en général. Et puis, ces corps stéphanois, ils sont encore là. On a les héritiers de ces corps stéphanois dans la rue, hein, avec ces gens qui, avec cet accent, etc. On a l'impression que c'est ce qui reste, en fait, du patrimoine stéphanois. Beaucoup plus que le patrimoine industriel qui a quasiment disparu, hein, enfin, en tout cas, en grande partie. Et je me disais, et puis c'est aussi parler de ces gens, de ces ouvriers. C'est encore une tendance, on parle encore de l'histoire des entreprises, beaucoup, mais de parler de ces gens, de leur corps. Et c'est aussi de parler de ces gens au niveau, en tant qu'individu. C'est-à-dire que personne n'a le corps d'un autre. Hein, alors, essayer, hein, parce qu'y parvenir, c'est un autre problème. Ah, tu veux dire que, étant, comme tu l'as dit au début, pas originaire de la région, c'est quelque chose qui t'a frappé? Oui, ça, c'est toujours que oui, c'est extrêmement présent ici. Il y a une, alors je vais pas racialiser le corps. Alors la parole, mais aussi les corps en eux-mêmes, peut-être plus de corps cassés, de corps. Voilà, c'est ça. Puis bon, ce que j'explique d'ailleurs dans l'introduction et ce que j'ai déjà vu chez ma grand-mère, le corps voûté. Mm-hmm. Alors c'est très weberien, ça, hein, le charisme, etc. Toutes ces théories sur le corps qui n'ose pas se dresser. Hein, voilà, il y a aussi toute cette façon, le corps qui se déplace d'une certaine manière. Mais c'est très compliqué de toute façon à aborder, même pour trouver des documents. Mais on y viendra plus tard, hein, là-dessus. C'est quand même assez complexe. Bon, on va y venir tout de suite. Hein. Ouais. Donc les sources que tu as utilisées, il y a énormément d'illustrations, beaucoup de photographies, mais aussi d'œuvres d'art, des graphiques, des schémas plus exactement. Il y a beaucoup aussi de travaux médicaux, évidemment. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais un peu reprendre tout ça de façon un peu... Alors, au niveau de l'iconographie, il y a quand même quelque chose qui est assez flagrant. Hein, à Saint-Étienne, c'est que l'iconographie, elle apparaît guère avant les années 1840. Hein. On n'a pas grand-chose avant. La littérature aussi, elle est assez lacunaire avant les années 1840. Il y a quand même une grosse exception, on y reviendra tout à l'heure certainement. Et donc, on est quand même confronté à une pauvreté iconographique pendant très longtemps, même la bourgeoisie. Alors, j'imagine qu'il faudra aller dans les châteaux du coin pour trouver peut-être des représentations des bourgeois, mais on a très peu de choses, en fait, hein, très très peu de choses qui ont été regroupées, empilées dans le musée du Saint-Étienne ou des choses. Donc, au niveau iconographie, on a peu de choses, mais on a quand même un artiste qui a fait beaucoup parler de lui, puisqu'il a eu les honneurs d'Orsay, hein, c'est Félix Thiollier. Et dans ma thèse, j'aborde Félix Thiollier d'une façon différente que l'interprétation actuelle. Je suis tombé en arrêt, en effet, devant les photos des revues médicales. Photos de monstres, absolument impudiques, d'une violence absolue, avec des nudités frontales de monstres, hein, qui pose la question de comment on peut accepter d'être photographié comme ça. J'essaye d'en donner des réponses. Hein. Est-ce qu'on a le droit de dire non ? Est-ce qu'on a le droit de dire non ? Hein ? Voilà, il y a toute cette réflexion. Alors, je me suis aperçu que ces photos, bien sûr, n'étaient pas que stéphanoises, hein, et qu'il y en avait un peu de partout. Mais j'ai été assez surpris. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ma thèse. C'est en découvrant ces photographies qui m'ont... Absolument, je suis tombé à la renverse. Hein. Et c'est en plus des photographies d'autant plus intéressantes que ce sont des photographies d'ouvriers, hein, en général, même tout le temps, parce que le bourgeois ne se faisait certainement pas photographier comme ça. Voilà. Je m'appelle Loriot, je suis de Saint-Étienne, Loire. Où ce qu'on fabrique au jour le jour, des fusils instruments de gloire et des rubans objets d'amour. Ma mère à la passementerie m'avait voué d'aimer jeunes ans, mon père étant dans l'armurerie rêva pour moi la vie. Et quand moi j'ai suivi comme un bêta le goût de papa, j'aurais mieux fait assurément d'écouter ma maman. Tenez, j'avais une bonne amie, me voyant flotter vaguement entre un comptoir de mercerie et les douceurs du régiment. Celui que j'aimerais, me dit-elle, portera le casque de dragon. Je m'engage pour plaire à la belle. Et quand je revins dans notre canton, elle était mariée. Et savez-vous qui qu'elle avait épousé? Un petit mercier de rien du tout. Et tout ça pour avoir suivi comme un bêta le goût de papa. J'aurais mieux fait assurément d'écouter ma maman. Pour me consoler. Alors, Michael, tu peux nous dire quelques mots sur cet intermède musical que tu as proposé? Oui, c'est un texte que j'expose un peu dans ma thèse. C'est un extrait d'une opérette très très connue, hein, à l'époque, qui s'appelle Mamselle Nitouche. C'est une opérette d'Henri Meillac et Albert Millot. C'est un peu avant les Gaîtés de l'Escadron, etc., tout ce qui a été produit par Courteline. Et donc c'est de 1883 et c'est le couplet du brigadier Loriot. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'en plus, c'est un texte... bon, les gens ont peut-être vu la version adaptée avec Fernandel. Il n'y a pas ce couplet. Hein. J'ai regardé plusieurs fois pour voir. En plus, ce n'est pas terrible. Mais il y a une première version avec Rému en 31 qui est très bien. Ce qui est très intéressant, c'est que ça parle de ce qu'on appelle à l'époque la crise de la masculinité. Hein, donc la crise de la virilité du militaire. Alors vous allez me dire, c'est faux, parce qu'à l'époque, qui est la grande star de l'époque, c'est Général Boulanger. Mais on a quand même un début de critique de cette virilité. Il aurait mieux fait d'écouter maman. On n'écoute plus papa, on commence à écouter maman. Alors, je pense qu'on a toujours écouté maman. Toujours écouté maman, et que maman a toujours eu beaucoup plus d'influence qu'on peut le penser. Il aurait dû faire la passementerie, ou alors Mercier, au lieu de faire de l'armurerie. Donc on a toute une dévalorisation de l'image virile. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que j'ai repéré dans les témoignages que, et puis dans les choses que j'ai étudiées, que les femmes ne sont pas attirées par les mineurs, ne sont pas attirées, elles veulent plutôt un Mercier. Il a les mains douces et non calleuses. Il est plus raffiné aussi, peut-être. Moins rustre. Il boit moins, etc., etc. Et on a une crise de la virilité chez les mineurs qui est assez évidente. Voilà. Et puis aussi, on a un côté niais. Hein. Il est un peu niais. C'est un peu le gaga. Mm-hmm. Je pense que cette image... Alors, c'est assez compliqué parce que je n'ai pas vraiment trouvé. Un peu comme le ch'ti. Hein. Ouais, il y a cette image du gaga stéphanois, hein, un peu benet, un peu niais, quoi, voilà. Voilà, c'est un extrait, c'est une chanson assez intéressante. Alors, ça fait partie des sources, tu l'as dit, tu as parlé un petit peu de tes sources. Alors, on n'est pas tous les deux, on est historiens tous les deux, mais on n'est pas de la même génération. Moi, j'étais d'une génération plutôt de l'histoire quantitativiste, positiviste, oui. Mais bon, tu utilises beaucoup de... documents littéraires, de beaucoup de photographies, mais quand même aussi les registres de matricule, source importante, parce que finalement, c'est peut-être la seule qui nous permet d'avoir, je dirais, un état statistique de la santé, des mensurations. Donc ça, tu l'as utilisé quand même. Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas utilisé directement, parce qu'on a... Une étude magistrale de Lequin qui a été faite là-dessus. Oui, il y a plusieurs mémoires aussi. Voilà, il y a plusieurs mémoires. Oui, il y a des mémoires, oui, en effet. Il y a l'article de Jean Merlet qui est très intéressant aussi sur la question, qui était même précurseur de Laura Ladurie. Hein, il le disait souvent. Et c'est vrai, en plus, mais bon, Laurent Ladurie, c'était quand même plus poussé. Et on a actuellement Laurent Héberger, qui a beaucoup travaillé dessus, qui a écrit d'énormes bouquins sur l'histoire, qui reprend cette anthropologie, comment on appelle ça, corporelle, qui essaye d'étudier les tailles des ouvriers. Et il se trouve que je ne suis pas absolument d'accord avec certaines conclusions d'Héberger. En particulier, la petite taille due aux gares. Hein. Il dit que souvent, on a remarqué que parce qu'il y avait une gare, les gens étaient moins petits. Saint-Étienne, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, c'est un contre-exemple parfait. Alors, ce qui est assez intéressant en recoupant donc, tous ces articles, c'est qu'on voit quand même le poids de la mine sur ces corps qui est énorme. Et du travail précoce aussi. Et du travail précoce, tout à fait. Et à la mine en particulier. Oui. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de toute cette synthèse. Il me semblait quand même important de faire... Oui, voilà, mais il y a aussi l'aspect de faiblesse physique, physiologique, des scrofules tuberculeux dans le textile. Oui, c'est-à-dire que toute cette histoire... il n'y a pas que la mine, il y a aussi l'industrie... Oui, tout à fait. Hein. Alors, j'aurais pu... je pense que j'aurais pu étudier ça beaucoup plus. En fait, on s'aperçoit que quand même, il y a assez peu de recherche sur l'hygiène industrielle en dehors des années 1848-1850. Je pense que c'est pour des raisons historiques. C'est pour des raisons historiques parce qu'en 1848, il y a eu une grande enquête sur le travail. Mmh. Et je pense que ça avait lancé cette mode. Puis après, ils ont dit, de toute façon, c'est à cause des ouvriers, pour résumer les choses, s'ils étaient malades. Donc, ils ont un peu classé la question, à part les frères Bonnef, qui sont évidemment, qui ont parlé de la syphilis avec les cannes dans les verreries. Mais à part ça, on a quand même pas grand-chose là-dessus. Alors, globalement, donc les grands axes de ta thèse, pour avant qu'on rentre un petit peu plus dans certains détails. Alors, justement, en plus, en retravaillant dessus depuis un an et demi, parce que des axes, il y en a de partout. Tu l'as lu. Et alors, bon, si on voulait vraiment simplifier ça au maximum, on a la période proto-industrielle, avant la mécanisation, où vous avez, des ouvriers qui gèrent la production. Gèrent la production, c'est-à-dire que le savoir-faire vient des ouvriers. Essentiellement, le patron passe commande, mais il s'en remet totalement au niveau de la production à ses ouvriers, qui du coup ont un certain pouvoir. Les fameux sublimes. Voilà, les fameux sublimes. Ouais. Les sublimes, c'est des. Ça vient d'un livre de Denis Poulot, qui est un ancien contremaître et qui a expliqué ces ouvriers fort en gueule, extrêmement costauds, qui ont un peu cette autorité dans l'usine. Et c'est ce qu'on a, craint par le patron. Qui sont craints par le patron, parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des employés, d'une certaine manière, puisqu'ils louent leur service. Ça, c'est extrêmement important, d'où d'ailleurs la place du peuple. C'est là où on allait chercher à louer les services. Et ils ont un pouvoir et ils ont surtout une culture extrêmement forte, carnavalesque, qui est à la base de toute une contestation. J'ai découvert en travaillant là-dessus qu'elle était encore très présente pendant les grèves de la Ricamari en 1869 et même au-delà, je pense. D'ailleurs, Il en reste des traces, sans doute, dans ce qu'on peut appeler une mentalité stéphanoise. Peut-être, oui, certainement. Alors, justement, ça permet d'aborder quelque chose que j'ai pas pu vraiment aborder, c'est le corps dans le patois. Et là, j'en étais bien incapable parce que j'avais pas assez de connaissances. Et puis, des fois, c'est très compliqué pour traduire tout ça. Des fois, on y arrive, mais des fois, on n'y arrive pas. Tout ce patois, et certainement, comme on dit souvent actuellement, il faut nommer les choses. La façon dont on parle du corps en patois, c'est quelque chose que j'ai essayé d'aborder et qui est assez compliqué. Mais en effet, alors on aurait de multiples exemples, on n'est pas là pour faire un atelier de gaga pittoresque, mais il y a certainement cette façon de nommer le corps. Cette culture carnavalesque, bien sûr qu'elle reste encore ici. Donc cette première période, les ouvriers gèrent la production, c'est eux qui possèdent le savoir-faire, jusqu'à quelle époque? Et ça dépend vraiment des secteurs. Mais c'est vraiment très très inégal, d'où j'ai eu beaucoup de problèmes à pouvoir faire une chronologie là-dedans, c'est-à-dire que des fois on arrive à des mécanisations très tardivement, je pense par exemple à la verrerie, qui est restée assez artisanale pendant très longtemps, et alors que pour l'armurerie, on a eu plusieurs périodes de mécanisation très importantes, mais je pense que le secteur où ça s'est imposé quand même, c'est le chemin de fer. Et comme Saint-Étienne est pionnier, c'est vraiment la première fois qu'on a eu cette mécanisation qui a été terrible pour les portefeuilles, les gars qui portaient, qui ont perdu leur travail, plus ou moins. Il y a eu des accommodements avec Seguin, avec Marc Seguin, mais bon, ça a été assez compliqué. La dernière partie, on a cette industrialisation. Et cette industrialisation, Saint-Étienne a souvent été pionnière dans la mécanisation. Le four Martin, par exemple, qui a été introduit très très tôt. Bien sûr, la locomotive à vapeur. Tous ces systèmes, l'électrification aussi, qui a été quand même. Alors de cette de cette habileté, de ce pouvoir qu'ont les ouvriers à l'époque de ce savoir-faire. Tu donnes plusieurs témoignages, notamment celui des verriers, tu l'as cité tout à l'heure. Oui. Il y a celui des pedeleurs aussi. Oui. Hein, tu cites un texte de Zola. D'Émile Zola, oui. Et un texte de René Commère. Oui. On a connu des pedeleurs très habiles, je me permets de le reprendre, qui oui. arrivaient à obtenir directement de l'acier à faible teneur en carbone parce qu'ils avaient le coup d'œil selon la couleur du métal dans le four pour arrêter le pedelage un peu avant la décarburation complète. Donc là, il y a tout un aspect... je dirais sensoriel de l'ouvrier qui nous ramène effectivement au corps et à cette façon qu'a le corps de l'ouvrier de participer au processus de production. Alors il me semble que dans les verreries de Saint-Just, c'est toujours le même système qui est utilisé. Ouais. Mais c'est donc c'est artisanal, hein. C'est vraiment une façon de sentir la matière, d'être en lien avec la matière et d'être en lien avec ce qu'on pourrait appeler le cosmos, hein, c'est-à-dire... Voilà. Alors, tu écris aussi des choses qui m'ont surpris sur les dentelières, le souffle des dentelières, où on doit faire attention à la propreté de leur haleine. Est-ce que tu pourrais... Ça, c'est toujours les discours qu'on a sur la femme et l'artisanat. Ouais. Son état, évidemment, son état... alors les règles en particulier, quand une femme est enceinte, etc. C'est des choses qu'on retrouve ailleurs. Hein. On retrouve donc la femme qui fait, si elle est enceinte, elle fait tourner le lait par exemple, hein, ou des croyances comme ça. Et il y avait les mêmes croyances sur la dentelle. En plus, la dentelle, bon, c'est lié à la religion, énormément à la religion. On fait de la dentelle pour pas avoir de mauvaises pensées. Hein. Alors, c'est tout le travail du fil, hein, au XVIIIe siècle. Hein. Et donc, les mauvaises filles, bien sûr, devaient être exclues de ce monde-là. Et on formait corporellement les femmes à l'immobilité pendant des heures. Et ce que j'ai montré dans ma thèse, enfin, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elles ont la même position que les vierges dans les autels des Béates. C'est exactement pareil, sauf que à la place du coussin, on avait la tête de l'enfant Jésus, c'est tout. Hein, mais c'est exactement les mêmes positions. Ces jeunes filles vont se retrouver dans des couvents, hein, dans des couvents où on les faisait travailler. Mmh. Et je suis quasiment persuadé que c'est une des origines des usines, ce régime conventuel, et que d'ailleurs ça a été utilisé sur les femmes et puis après sur les hommes. Hein. Les femmes ont expérimenté sur les femmes. Un certain nombre de choses. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Oui. Oui. Et alors, à quel moment tu situes, alors, tu dis que c'est variable selon les secteurs, ouais. mais cette perte d'autonomie ouvrière, c'est la guerre de 14 qui... Avant, parce qu'il y a quand même la grosse crise, la grosse dépression, hein, 1896, et là, ça a été vraiment... On le voit bien d'ailleurs avec toute l'histoire de Ravachol, hein, c'est une période où le chômage est chronique, hein, et là, bon, bah, ils sont à la merci vraiment de la volonté du patronat à ce niveau-là. Hein, ils peuvent... voilà. Avec une première mutation... technologique qui nous ramène un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout pareil, à fait, un chômage oui. de masse, une dépossession du alors, savoir-faire et du... Alors, c'est ce que j'ai travaillé depuis un an et demi. Hein. Je pense qu'on a même pire que ça. Hein. J'ai beaucoup repris le livre de Gunther Anders, l'obsolescence des hommes. Mm-hmm. Hein, et on retrouve des choses extrêmement frappantes, hein, des parallèles qu'on peut faire entre la région stéphanoise et le livre de Danders. Et nous sommes dans une obsolescence des corps, beaucoup plus qu'à, je pense. Et ça, je pense qu'on a le début de l'obsolescence des corps qui arrive avec la rationalisation. Bon, j'ai retrouvé des poèmes d'Anders et qui ressemblent à des textes qu'on retrouve dans Le Chasseur français. C'est exactement, quasiment les mêmes. Voilà. Je suis le le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur, nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle-maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait ses jambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait sa tête de veau. Ma soeur, son chocolat. Et ma fille, ses œufs sur le plat. Gais et contents, nous étions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. De Longchamp, on foule la pelouse, et puis on commence par s'installer. Je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup, l'on crie vive la France! Ça y est, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, ma femme sur le dos d'un facteur. Ma soeur qui aime les pompiers acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains en regardant les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en reluquant les spahis. Moi, je ne cessais de crier. Vive le général Boulanger! Gais et contents, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Retour, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Bref, le soir, lorsque nous rentrons, nous étions tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait au bras. Eh bien, vous êtes sur Radio Dio. Nous avons écouté la revue, la parade du général Boulanger. Nous sommes avec Michael Duarte pour parler de sa thèse. Et il va nous dire quelques mots sur cette chanson qu'il a choisie. Oui, j'ai pris une chanson de Paulus, la plus connue. Hein, je crois que c'est la plus connue. Puis, bon, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements assez intéressants. Enfin. Ça commence à être un peu compliqué, c'est du début du siècle. Alors Paulus, parce qu'on a eu, bon, à Saint-Étienne, il y avait des cabarets, hein, et puis le fameux Cafcons, hein, de l'Éden, qui était un haut lieu de la belle époque, comme on disait. Et Paulus a été, enfin cette chanson cascadante, hein, ils appelaient ça la chanson cascadante, on le voit d'ailleurs dans la chanson. Alors ça a été critiqué énormément par les chansonniers locaux. Hein. Il y a eu toute une cabale contre cette chanson légère, d'une toute une élite ouvrière qui critiquait ces chansons. Alors là, il n'y a pas trop d'allusions sexuelles, mais des fois c'était un peu plus gaillard, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que je suis tombé sur les travaux d'une historienne. Enfin, c'est pas une historienne, c'est une spécialiste de littérature comparée, Rebecca Gordon, qui a travaillé justement sur le corps face à ses chansons. Hein, elle a séparé les facultés supérieures, hein, les facultés inférieures. Et à l'époque, on a eu plein de théories, en particulier les théories de Janet, qui disaient que qu'avec cette musique, les gens perdaient leur corps, en gros, hein, et donc partaient dans la débauche corporelle. Donc, sur Saint-Étienne, il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein. Et en même temps, c'est la parade militaire, c'est les corps qui sont redressés. Tu disais tout à l'heure que les ouvriers avaient du mal à se redresser. Ouais. Et là, il y a... Il y a aussi une espèce de discipline qui peut être aussi importante à imposer à ces ouvriers que c'est sublime dont on se méfiait. Et donc, tu notes d'ailleurs de façon très intéressante que non seulement les patrons s'en méfient, mais même les syndicalistes. Ça, ça m'a un peu interpellé. Donc, j'aimerais que tu en dises quelques mots et puis après. Oui, je pense qu'il y a toujours cette différence entre l'élite ouvrière et la base. D'ailleurs, ça existe toujours, hein, je pense. Oui, oui. Ça me rappelle toujours cette. Alors, tu connais certainement ce fameux court métrage de 68, La fermeture des usines Mondaire, oui, oui, où on a cette ouvrière, la reprise. Mmh. Et on a cette formidable ouvrière qui hurle, qui gueule, et puis on a les syndicalistes en complet qui disent mais on a gagné, on sait qu'on n'a pas gagné maintenant, mais c'est un peu ça, c'est ce décalage qu'on a, cette image, ce décalage entre l'image qu'on donne de Michel Rondet et puis une réalité qui est peut-être un peu différente. Michel Rondet a arrêté de travailler à la mine depuis bien longtemps, à une période, voilà, enfin bon, il y a tout ça qui entre en compte. Si je peux rajouter quelque chose, on a, et ça c'est quand même quelque chose qui est important, on a un procès en dégénérescence qui en fait est posé sur l'ouvrier. L'ouvrier est un dégénéré. Il y a tout le 19e siècle va culpabiliser le corps de l'ouvrier. Vous êtes des dégénérés, on va vous envoyer au sanatorium, on va vous photographier, on va vous montrer comme des monstres, etc. Et on a un procès en dégénérescence qui est assez important. Disqualification du corps ouvrier. Oui. Et volonté de réorienter ou de régénérer ce corps ouvrier. Alors, exactement. Notamment avec l'expérience des jardins Volpette, qui est importante à Saint-Étienne. Et alors, tu utilises un document que je ne connaissais pas, qui est conservé au MUCEM. Pourquoi est-il au MUCEM? C'est un mystère. Tu nous expliques. C'est un mystère. Donc, cet album de photographie. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler parce que c'est intéressant. Alors, il y a tout un album de photographies que vous pouvez trouver en ligne au MUCEM. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est le FOSEM en fait. C'est alors je pense qu'ils sont toujours en ligne avec une présentation qui est très intéressante. Et c'est un album, ce qu'on appelle l'album moulin. Hein, oui. Il est conservé et donc il est visible sur Internet. Hein. Et il y a des photos très intéressantes, en particulier une photo frontale dans une cour sordide avec une mère et ses 12 enfants. Avec ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un arrière-plan qui est complètement fermé. Mmh. Hein. Une vraie course stéphanoise. C'est la vraie le course stéphanoise. Le Ponce nous en a montré tout plusieurs à fait, comme ça. Tout à fait. Mmh. On s'imagine des vies évidemment terribles. Mmh. Mais c'est une certaine réalité en effet. En plus, donc cette femme seule, il n'y a pas d'homme. Il y a que des filles quasiment plus. Et donc c'est le pire. Hein, et à côté de ça, d'autres photographies qui sont très intéressantes, et en particulier une photo avec une famille à l'arrière-plan. Donc ils sont bien habillés, ils sont dans un jardin. Ils ont une petite maison, parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, dans les jardins Volpette, on a commencé à construire des maisons. Hein, mmh. Et Volpette d'ailleurs a fait faire une usine de briques pour ces maisons. J'ai habité moi-même dans une maison Volpette. On a cette, avec une perspective derrière, et même on voit des rayons de soleil sur cette sainte famille, on va dire, avec des hommes, des femmes, voilà, une mixité. Et moi, ça me fait penser, je ne sais pas si tu la connais, à la fresque de la Bourse du Travail. Exactement. Avec cette petite famille sur le côté qui échappe à l'enfer industriel. Ouais. Et tout à fait. Alors, cet album-là, dans l'édition que tu vas faire de ta thèse, ce serait bien quand même que tu en mettes des extraits. Puis Je vais pas en parler justement parce que je sais pas, parce qu'autrement il faut que j'ai des extraits. Donc c'est tout le problème de l'édition. J'aurais pu rajouter des choses. Je savais pas qu'il était aussi rare que tu ne connaissais pas. D'accord. Ouais. Alors la représentation du corps, c'est aussi la représentation du corps dans l'espace public. Et on sait ce que ça a donné sur la Renaissance dans des villes comme Florence, donc le corps magnifié. Dans une ville comme Saint-Étienne, se pose au XIXe siècle et surtout au tournant du XXe siècle la question de la statuaire et de la statuaire ouvrière. Alors, on part des statues de Montagny, qui oui. encadrent le perron de l'Hôtel de Ville. Et puis, on arrive à une statue comme le terrassier, et pire encore, à celle de l'apprenti. Alors, est-ce que tu pourrais un peu faire un tableau de cette représentation et aussi des débats que ça a suscité ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, tu y as travaillé un petit peu dessus aussi. Et alors, pendant la municipalité socialiste, entre guillemets, hein, parce que ça, en effet, oui, oui, de Leudin. Il faudrait de Leudin. Et surtout de Plantevin. Et donc, vers 1907, je crois bien, c'est ça. On installe dans le square bourgeois de la plage Jean-Jaurès, hein, vraiment dans le square bourgeois à l'anglaise. Elle, elle s'appelle Marengo. À Marengo, oui. À l'époque. Et en fait, le square, c'est Paul Bert, c'est-à-dire un square qui est aujourd'hui occupé par la cathédrale. Exactement. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, et on installe des statues impudiques, on va dire. Donc, un terrassier que vous avez peut-être vu qui est en train de se dégrader, c'est horrible. Jardin de... C'est horrible dans le jardin du musée d'art et d'industrie. Mmh. Alors, un terrassier qui, en fait, monte son aisselle, s'éponge le front. C'est un terrassier post-coitum, hein. C'est évident. Hein. Et j'ai trouvé une statue de la même époque, hein, d'un mineur. On a l'impression qu'il jouit. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors c'est vrai que ça a dû énormément choquer le bourgeois à l'époque. Hein, ce corps au milieu des corsets, c'est... Et on a surtout Danaé, hein, qui est donc cette statue de femme nue, hein, qui soi-disant se change en laurier, mais on ne voit pas de laurier. Hein. Elle est nue. Aucun laurier pour la cacher. Voilà, elle est en arabesque et elle a le corps ouvert, quoi. Hein, alors que le corps de la femme doit être fermé à l'époque. Et donc on a cette femme au corps ouvert et alors, il y a des dames patronesses qui l'ont recouverte, hein, en 1910. Elles lui ont mis un drapage. Il y a eu un spectacle, d'ailleurs, à l'Éden, où on voyait cette femme qui devenait toute nue. Enfin bon, ça devait être le grand spectacle de l'époque à l'Éden. Et puis, surtout, la statue d'apprenti, parce que je pense que c'est quand même la plus intéressante des trois. Enfin, il me semble. Alors... Elle est au musée d'art et d'industrie, si vous voulez la voir, ouais. Et elle est bien protégée, celle-là. Alors, c'est un pauvre gamin qui croule sous une énorme masse. Hein. Il est apprenti et donc il n'arrive pas à soulever cette masse. Et alors là, c'est la figure de la dégénérescence totale. Hein, pour, et alors, pour moi, je dois dire que tu publies dans ta thèse, la page 264, une carte postale que je ne connaissais pas. Moi, je connais la statue Et alors, je trouve que c'est pris sous un angle qui me permet de comprendre les articles qui sont parus en 1910-1911, oui. qui montrent en fait que cet enfant fait peur aux enfants du quartier. Totalement. Aux enfants, oui. De la bourgeoisie, puisqu'on n'est pas très loin de la place Jacquard et de... D'autant plus qu'elle est à côté de l'édicule voisin. Une peur, oui, certainement. Elles sont alors au milieu du côté très bucolique du parc. D'ailleurs, on voit bien sur les photos comme c'était bucolique, beaucoup plus que maintenant. Et on a cet être difforme quasiment. Hein, alors... dont on dit qu'il serait beaucoup mieux dans un bocal avec les autres monstres du musée. C'est assez. Et alors, l'autre intérêt de ta thèse, sur ce sujet, l'autre intérêt de ta thèse, c'est aussi cette caricature du pasteur Comte. Du pasteur Comte, Monsieur Comte, président de l'œuvre des enfants à la montagne à Saint-Étienne, emmène dans le midi l'apprenti de la place Marengo pour le faire engraisser. Voilà. Alors ça, caricature était très vaste sujet des colonies autour de Saint-Étienne. Alors ce serait trop long d'aborder ça. Et cette caricature, j'ai trouvé ça super. Oui, de trouver ça. Je suis tombé là-dessus. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Alors tout ça nous éloigne en fait de ces statues qui représentent dans les années 1830, 1840, je ne sais plus la date exacte, mais enfin, c'est sous... Hippolyte Royal, quoi, qu'elles sont installées, en tout cas, qu'il y a eu le financement. Hippolyte Royal est maire dans les années 1830 et elles sont installées dans les années 1860. Celle de la métallurgie et de la rubannerie. D'accord. Il y a il y a quand même il y a un discours très intéressant. Alors, vous savez, donc, pour les auditeurs qui connaissent Saint-Étienne, les deux grosses statues qui sont de part et d'autre de l'escalier, hein, alors qu'il y a une vision de la forge néoclassique, complètement d'ailleurs fausse, hein, parce que le forgeron, torse nu, c'est un peu dangereux. Hein, à l'époque, le bon médecin Nicolas Michalowski a dit, mais il ne ressemble pas du tout au Gaga. Hein, le Gaga, c'est un homme tordu, c'est un cyclope. Mmh. Hein, c'est un. Alors non, c'est pas le cyclope, c'est le. Oui, c'est le cyclope, oui, tout à fait. Hein, c'est, oui, cyclope, c'est. Voilà, c'est ça. C'est un cyclope et c'est un homme tordu, hein, tordu comme les. D'ailleurs, comme les objets qu'il crée. Hein, y a cette. Ils font des objets tordus parce qu'ils sont tordus et c'est pas du tout le Gaga. C'est une vision idéalisée vers laquelle on tend d'ailleurs. Hein, et ça. Ça fait penser, bien sûr, à toute l'iconographie oui, alors socialiste les... hein, pour plus tard. Hein, oui, aussi. Mais les statues sont installées donc, à l'époque où ce sont des municipalités plutôt bourgeoises qui gèrent Saint-Étienne. Celle de l'apprenti du terrassier, c'est plutôt des municipalités bon, qu'on appellera socialistes indépendants, avec Plantevin, Ledain... Alors, et Pétrusfort, très peu de temps, il y a quand même aussi une autre vision de l'ouvrier, là. C'est assez curieux parce qu'en fait, c'est quand même une municipalité qui, dans l'ensemble, est très prude. Et elle décide de montrer ses corps à nu. Comme leur dire, regardez de quoi vous êtes responsable. Hein. Et puis évidemment, hein, la petite Danaé, c'est une prostituée, hein, évidemment. Hein, donc les femmes deviennent prostituées, les garçons, ben voilà, ils sont abrutis par le travail dans leur croissance. Ouais, ouais. Alors, Michael, cette thèse donc, va faire l'objet prochainement, tu es en train d'y travailler, une édition. Oui, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel délai et puis surtout comment tu l'as reconstruite, comment tu l'as repensée plus exactement pour le grand public Oui, alors dans quel délai, je ne sais pas encore puisque je vais rechercher un éditeur. Là, j'ai fini quasiment le texte. Hein. Ça a été un gros travail. C'est un gros travail, les gens ne savent pas, mais c'est de reprendre une thèse. C'est un travail douloureux en plus, hein, c'est compliqué. Et parce qu'on a envie de faire autre chose en fait. Mmh. Et donc, gros travail de reprise. Je l'ai orienté sur une problématique assez simple hein, autour des ruptures ou des innovations de l'industrialisation. Alors que ma thèse est beaucoup plus vaste au niveau des problématiques. Et au niveau chronologique, ça sera les années, la fin du 18e jusqu'à vers 1930. Voilà, hein, ça, je vais réduire un certain nombre de choses. Pour les illustrations, ça, on verra par rapport à ce qu'on peut mettre comme illustration. C'est pas toujours simple dans l'édition. Voilà, donc j'espère bientôt trouver et pouvoir... trouver un éditeur et pouvoir l'éditer, quoi. Voilà, la faire éditer. Bien, on attend cette édition qui apportera, je pense, pierre importante à l'historiographie de notre région, notamment centrée sur ces fameux corps ouvriers et sur la façon dont l'industrie a pu peser sur les corps plus généralement de la région stéphanoise. Thank you. Oui. Michael, donc tu nous parles de ce choix musical. Oui, c'est un extrait de... Alors c'est Marie Callas qui chante. Hein. C'est un extrait de Louise de Gustave Charpentier, qui est un opéra. Donc l'opéra Louise avec... donc Depuis le jour, c'est le grand tube de cet opéra. Il faut savoir que cet opéra a été donc créé, alors la fin de l'opéra, hein, ce qu'on appelle le couronnement de la muse, a été créé 3 fois en plein air à Saint-Étienne, 1902, 1906 et 1912. Et là, à l'occasion de ce couronnement de la muse, alors il y avait un grand spectacle, chariot, fleuri, etc. Et on choisissait une muse du peuple parmi les ouvrières de Saint-Étienne. C'est un concours de beauté. Et c'est la seule municipalité où il y a eu 3 fois. Hein. Normalement, on le faisait une fois. Il y avait 40 000 personnes, paraît-il. Hein. Et on faisait un énorme balai sur les marges de l'hôtel de ville. Enfin, c'est assez impressionnant. Et voilà. C'est encore les municipalités socialistes. Oui, c'est encore donc, les municipalités socialistes, tout à fait. Oui. Oui. Il y a tout un... Bon, on pourrait en parler très, très longtemps. Il y a un aspect moralisateur. Voilà, moralisateur. On les choisissait, bien sûr, sur leur morale. Plus que sur leur physique, hein, plutôt sur la morale en fait. Voilà. Bien, Michael, un grand merci pour ces quelques trop rapides explorations de ton sujet de thèse. Mais je rappelle donc que ça va donner lieu à une édition et on espère que celle-ci rencontrera un grand succès. On aura peut-être l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Je voudrais maintenant présenter rapidement l'agenda du Grémos et de ce qui tourne autour du Grémos. Donc ce soir, je rappelle qu'à la librairie L'Hirondaine, donc jeudi 25 avril, je présenterai avec Henri Destour le livre « Le monde ouvrier face à la Grande Guerre ». Ça fait presque un an que ce livre est paru et c'est la première librairie qui nous invite. Pas de librairie stéphanoise pour l'instant. Le samedi 27 avril, donc après-demain, à Rive-de-Gier, une conférence animée par Michel Destour, résistante et résistant de la vallée du Gier. Donc c'est à partir de 14h30 à la Ruche des Citoyens, dans le centre de Rive-de-Gier, et c'est organisé par l'Amicale des Anciens de la Résistance et Amis Secteur Gier. Le jeudi 2 mai à 19h, une rencontre à la librairie l'une et l'autre, voilà une librairie stéphanoise, avec Rachid Kadour, auteur du livre « Les grands ensembles, patrimoine de venir », chronique de la valorisation, dévalorisation et revalorisation d'opérations exemplaires à Saint-Étienne, un ouvrage qui vient de paraître aux publications de l'Université de Saint-Étienne. On espère que ton livre paraîtra bientôt, Michael. Rachid Kadour avait présenté d'ailleurs dans une précédente émission en janvier avec Georges Gay son travail. Le vendredi 17 mai à 19h, une rencontre avec Victor Collet autour du livre « Nanterre du bidonville à la cité » paru aux éditions Agone aura lieu à la librairie à l'Amicale laïque du Crêt de Roc, 16 rue Royer. Et enfin, le jeudi 23 mai 2019, une rencontre avec Ludivine Bantigny à la médiathèque municipale de Saint-Étienne. Je rappelle que Ludivine Bantigny a publié l'année dernière, 1968, De grand soir en petit matin, aux éditions du Seuil. Voilà, je vous remercie et au mois prochain pour la prochaine émission du Grémos. Merci à tous. Merci à Michael. Beaucoup.